He's all I want, he's all I need. He's all I want, he's all I need. Bonjour à tous, belle bonjour. On est parti pour une heure de musique actuelle, créole, caribéenne, de Martinique, de Guadeloupe. Vous êtes dans l'émission Conlambi, musique jeudi, premier dimanche de chaque mois. Là, on est le deuxième dimanche, mais c'est pareil. On est parti pour une heure à l'instant. On a démarré avec une petite journée ensoleillée, car il fait beau sur Paris. Quitte à être dans le cliché, on va le dire, Sunny Days, le morceau d'Alexa et d'Alphaz, un morceau gratuit qui vous est offert gratuitement par Alphaz, A-L-P-H-A-A-Z. Je vous invite à aller récupérer ça sur son SoundCloud et on va poursuivre avec une reprise d'un classique du Gros K, mais reprise dans un style plus actuel. C'est Timeless, le groupe nous vient de Guadeloupe, Banclé à Titine. Alex is in the place, yeah. Timeless, come on. How much can you forget? Bon clé à titine, tendez. Bon moins clé à titino. Bon moins clé à titine, tendez nous mêler. Ici là. Bon clé à titine, tendez. Bon moins clé à titino. Bon moins clé à titine, tendez nous mêler. Ici là. Bon clé à titine, tendez. Bon moins clé à titino. Bon moins clé à titine, tendez nous mêler. Ici là. Bon clé à titine. Bon clé à titine. Bon clé à titine. Tout le monde qui a dit d'auto méchant, méchant. Tous ces temps marais péchés. Tout l'épée à 4 de matin. Tout aller à ton nom, mais en belle idée qui prend d'auto. Retourner la case à lit. Trouver un nom, mais bifomba. Juillet nom là, juillet femme là. En forme enceinte et capacé. C'est l'émotion qui prend forme là. Misère, créatine tendez. Pour moi créatine no. Pour moi créatine tendez nous mêler. Ici là. Bon créatine tendez. Pour moi créatine no. Pour moi créatine tendez nous mêler. Ici là. Bon créatine tendez. Pour moi créatine no. Pour moi créatine tendez nous mêler. Ici là. À l'instant, c'était la voix de Celia Wa qui revient avec une nouvelle version de son titre Superman. Il s'agit là du Cacophonie Remix, remix donc de Cacophonie qu'on a interviewé dans Conlambi Music jeudi il y a un mois ou deux. Et on va poursuivre, donc ce titre est déjà disponible évidemment, allez chercher tout ça sur son Bandcamp Celia Wa. On va poursuivre avec un titre inédit de l'homme nègre lyrical. Le morceau s'appelle Le Petit Nègre T'emmerde, qui résonne un peu avec l'actualité et l'ambiance générale dans les débats en France. Thank you. La hiérarchie du nègre, en haut le nègre de maison, au milieu le nègre d'habitation, en bas le nègre marron, le nègre complexé, même pas sa complexion. Il a modifié pour remplir les critères de sélection. Même quand les deux sont au garde à vous sous le drapeau français, le nègre métissé, mieux vu que le nègre à peau foncée. Le plus élevé de la patrouille, le nègre policier, mais un nègre reste un nègre pour se descendre à décrier. Le nègre fortuné se croit blanc, mais on traite de sale nègre dès que ça tourne au vinaigre. C'est la négrophobie ambiante. Ils ont fait mine d'accorder à des nègres l'indépendance, mais sur la terre mère, la pauvreté en bas très intègre. Pourtant, le nègre, il enseigne des blancs et l'enseigne des nègres. Il l'ignore ou font semblant depuis la traite des nègres. Malgré que sur le drapeau corps, s'il y a une tête de nègre, faut-il qu'il baisse la tête pour que le nègre s'intègre. Y'a des négrophobes et des négrophiles. Voilà Robocop, certains négrophiles. Est-ce la malédiction de Cham dans les écritures? Faire le nègre de service, c'est pas de la négritude. Le petit nègre t'emmerde. Le petit nègre t'emmerde. Le petit nègre t'emmerde. Le petit nègre t'emmerde. Le petit nègre t'emmerde. Le petit nègre t'emmerde. Le petit nègre t'emmerde. Le petit nègre t'emmerde. Qu'est-ce que ça a changé d'avoir un nègre président? Au pays du Ku Klux Klan, encore plus de nègres décédents. C'est sans antécédent, des nègres sans antécédent criminels se font tirer dessus par des flics comme s'ils faisaient partie de la PEC. Et toi t'es né nègre, et t'es deck de ton nez de nègre. Tu veux pas être vu comme un vieux nègre? Pour enlever en toi toute fierté nègre, on t'a dit que ta couleur est celle des ténèbres. La paternité des inventions nègres, leurs savants la revendiquent. Grâce au pillage de l'art nègre, leurs musées sont bien remplis. Dans la zig nègre, plein de nègres en activité. Mais le show business y injecte trop de négativité. Ebola, la négrophobe, a rempli les hôpitaux avec des nègres plus intouchables que nos nègres gros sirops. Beaucoup continuent à voir les nègres comme des animaux. Mais comme ils envahissent leur bête chez eux, ils émigrent à nouveau. Y'a des négrophobes et des négrophiles. Voilà Robocop, certains négrophiles. Est-ce la malédiction de Cham dans les écritures? Faire le nègre de service, c'est pas de la négritude. Le petit nègre t'emmerde. Le petit nègre t'emmerde. Le petit nègre t'emmerde. Le petit nègre t'emmerde. Le petit nègre t'emmerde. Le petit nègre t'emmerde. Le petit nègre t'emmerde. Le petit nègre t'emmerde. Sur leurs médias, la ferraille vaut plus que la négraille. Ils doivent avoir trop gratté comme la mano negra. Au States, ces nègres s'appellent niggas. Alors en France, les nègres s'appellent négro. Mais c'est seulement entre nègre et négresse. Dans la bouche d'un blanc, c'est le pen, c'est la règle. La paresse chez le nègre en Angleterre, c'est le flègue. La séduction italienne de la traque, c'est selon cité nègre. Peu d'indépendance dans les cités nègres. Pour dire dictateur, ils disent roi nègre, mais disent amen au sabotage du pouvoir nègre. Pas besoin d'être corrompu pour être un négro militaire. Pas besoin de savoir chanter pour être un négro spirituel. Fini les nègres à la Yabon Banania. Apprends ton histoire, y'a des encyclopédies, y'a même Wikipédia. Ceux qui te racontaient des contes à la Cendrillon, quand t'étais gosse, t'avais surnommé le négrillon. Y'a des négrophobes et des négrophiles. Voilà Robocop, certains négrophiles. Est-ce la malédiction de Cham dans les écritures? Faire le nègre de service, c'est pas de la négritude. Le petit nègre t'emmerde. Le petit nègre t'emmerde. Le petit nègre t'emmerde. Le petit nègre t'emmerde. Le petit nègre t'emmerde. C'est clair qu'à tomber concan. Yo ni pou pote bon gan. Yo doué nou, doué nou. Zé clair ka tombe konkan. Pas yo ka doué nou, doué nou. Yo ni pou pote bon gan. Pas yo ka doué nou, doué nou. Bon compte ka fè bon zami. Anti yo ka doué nou, doué nou. Zé clair ka tombe konkan. Pas yo ka doué nou. Mi an yo dwa da ki pè tout melanin. Doué nou, doué nou. La pou mwen ni an manye pou lè kokain. Pas compter si moi pour moi fouté y'en a une. C'est clair, c'est clair. Mais si moi c'est manger bon manioc en farine. Soleil qu'a levé un papa couché. Longtime que coq la jacques a rouclé. Entendu yo v'lé salipé y'en moué. A nous souder pour y'en crier en moué. C'est clair qu'a tombé coquin. Pas yo ka doué nous. Yo ni pou pote bon gan. Pas yo ka doué nous. Bon compte ka fè bon zami. Anti ou yo ka doué nous. C'est clair qu'a tombé coquin. Pas yo ka doué nous. Ça tellement simple pour tout les poussières. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ciel toujours qu'a été ouvert. Yo tout qu'a prié au bon Dieu blanc. Alors que bon Dieu pas ni chaîne ni sang. Doué nous. Soleil qu'a levé un papa couché. Longtime que clock la jaka ou clé. Entend yo vle sali pays à moi. A nous soude pour yo crier à moi. C'est clair qu'a tombé concan. Parce qu'a doué nous. Yo li pour porter bon gant. Parce qu'a doué nous. Bon compte qu'a fait bons amis. Anti ou yo qu'a doué nous. C'est clair qu'a tombé concan. Parce qu'a doué nous. On va ni prendre un ami à sous la deck et nous outils pour faire ma molly. Encore des molly yo yo yo yo. Est-ce qu'il y a moins c'est aïe, non, qu'à manger yo qu'on l'aïe, brille yo qu'on zaïe. Encore des molly yo yo yo. Panayon dit yo qu'à mettre des solides, qu'à ou laisser yo qu'on go bolly. Encore des molly yo yo yo. Est-ce qu'il y a moins c'est aïe, non, qu'à manger yo qu'on l'aïe, brille yo qu'on zaïe. Encore des molly yo yo yo. Douez-nous. Pas yo qu'à douez-nous. Douez-nous. Pas yo qu'à douez-nous. Yo qu'à douez-nous. Inédit, nouveau titre de Maj Trafic, un artiste bien connu de la scène rap française, mais qui là nous revient avec un morceau 100% créole, douez-nous, allez chercher ça, et musique jeudi, musique actuelle, il n'empêche qu'on a quand même, on a entendu quelques fondations juste avant, c'était Neg Lyrical, maintenant Maj Trafic, et là c'est le moment de dancehall, on va encore écouter un poteau mi-temps du dancehall antillais, qui est très présent avec le Général Crew, mais qui vient de sortir la mixtape Timoun Ghetto 4, mixtape 100% dancehall, et on va écouter tout de suite le titre Belle Apparence. Nous qui vivons dans une société individualiste, tout le monde est égocentrique, narcissique, rien pas ni pour parler en consigne. Yeah, ni sa qui calibi, mais qui fait mon mal. Aïe, pas qu'à étonner moi encore. Si t'es ni belle figure, mais c'est pas des anges. Antidote, chez y'a plein méchanceté. Belle apparence, mais y'a dit dans yo l'aide. Y'a qu'à sentir bon, mais y'a pas faux en mettre. Égoïste, pas compte si y'a pour pas bon aide. Narcissique, égocentrique, c'est pas ni rimède, yeah. En société, là, nous qu'à vivre, là. J'aime convier, tout le monde n'a qu'à lui même livre, là. C'est y'a plus individualiste, profiter si les naïfs, opportunistes. Mon Dieu, y'a tous ces chiffres, là. Pas qu'à rester garder y'apparence. Belle wop, fais pas 10 kilos de pop. Y'a pas papa, bouillonner, moi si y'a moyen longueur d'avance. Y'a qu'à check, faut pas intérêt, non, blood flat. T'es fait, y'a qu'à caresser dans le sens du poil. Y'a qu'à soucer, ou soucer, ou après, y'a qu'à mettre les voiles. Oh nanana. Y'a qu'à soucer jusqu'à la moelle. Aimer sans qu'on fond pas, y'a qu'on squale. Y'a qu'à sous-estimer, ou qu'à bon bout, t'es bébé. Comprends, y'a plus malin qui, ou qu'à santé bébé. Yeah, y'a en bas, en bas. Y'a sous noir, qu'à faire mon couba. Y'a divanche ancien plat qui se mange froid. Yo toujours tina ou yo pensé, cas jaloux moun pas yo même complexé. Yeah, ou pas obligé fait yo aïe aïe aïe pour yo raifo. Ah, somme les gosses tchou. Belle apparence mais y'en dit dans yo l'aide. Yo qu'a senti bon mais yo pas faux en mettre. Égoïste pas compte si yo bouba bon aide. Narcissique, égocentrique, ça pas ni rimède. En société là nous qu'a vivre là. J'aime convier, tout le monde n'a qu'à lui même livre là. Au plus individualiste, profiter si les naïfs, opportunistes. Bon Dieu y'a yo tous ces chiffres là. Pas qu'à faire y'a rien bas au monde. Tout ça yo qu'a fait c'est pour ses pieds intérêts à yo. Yo qu'a pas du pire, faire mal, démolir, si me dire. A pas ça qu'a y'empêche yo dormir. Pas ni combien yo sans pitié. Qui c'est famille, qui c'est amé. Nah yeah. Attitude à yo qu'a bon l'envie fomé. Belle apparence mais y'en dit dans yo l'aide. Yo qu'a senti bon mais yo pas faux en mettre. Belle apparence, mais on dit dans YOLED, c'est un morceau que je conseille à tous ceux qui aiment bien dire chaque année, à chaque inédit, un peu plus dancehall, un peu plus hardcore que Admiralty est de retour. Admiralty est toujours là. Timoun Ghetto 4, énormément d'inédits d'Admiralty. Et qui dit Admiralty dit Kalash. On va écouter maintenant un son de cet album événement qui est sorti, qui vient de sortir il y a 2 jours à peine, Chaos de Kalash, la star de la musique antillaise à l'heure actuelle, mais nous on va se concentrer non pas sur Bendo, non pas sur les sons que vous pouvez entendre sur n'importe quelle radio. On va écouter cette combinaison Kalash Admiralty Pure Dancehall tout de suite. Oh God. Yo, yo. Real bad man agit pas comme un drag queen. Gal vient me voir, j'ai le bras long comme dans le sim. Y'a que des real wood boys présentant le casting. Mais les coups ne parlent pas, ils agissent sans soutenir. Nous pas tenus pour combiner, puis bon pussy waltzing. Yo c'est real fish, yo toute la camel sting. Il y a beaucoup d'imposta, bad man en ballerine. Infâme à ce gars, tu y a la pleine lune. T'attends les before me start kill. Comme cartel, il veut m'enfermer pour crime. Mais j'ai les avocats plus bad que la police en civil. Je manie les mots comme l'escrime. Them no bad like me, général comme à l'armée. Général de l'armée, them no bad like me, même s'ils sont armés. J'tue les samboy toute l'année. Them no bad like we, no bad like we. L'entente qu'à la chaîne, mais elle s'y ferait déjanter. No bad like we, no bad like we. Si y'en nous bad depuis tout petit, oui. Choco cocktail, mon l'en tot off. Rough and tot off. Gâteau y'en nous levé, y'en misère. Levé pop off. Sap nous ni cock off. En paquet ton lot off. Bah y'en nous patini pour pitié, nous patini pour love. Them no bad like me, no bad like me. A pas prétend nous, qu'a prétend agi nous, qu'a agi nous. Non, them no bad like me, no bad like. Sauf qu'elle nous pas qu'à retrier manger. Some of the girls them no bad like. We a shine bright. Them a try fight. Son boy a fit dead. None of the light light. When we a kill, blood spill. It explodes like a dynamite. This if you wanna spend a sad night. Well, but I see bad type. And they a no ped. Son boy fin ma kiye me kaire pati led. Yo ka pale yon lome ya pwe kaman de led. Super connect nous se ko pa connect on med. Med med. Mon kali mendi fe la pou etan yo. Yo pa ni vibe pa ni style pa ni flow. Yo ka tourne ko skete la don bendo. En fout chayon yo ka fotas men si no. Enemy dead na ki la ka prend lo. Pouf maman yo pa ka respecte yo. Mon kali mendi fe la pou etan yo. Fe men live lo jetere yo. Yo ka pale si internet a bon tapet. Ok fa se album a yo e pi yo maket. On sel kou de raket. Je match eset 47 ak a kou de woket. A ta gel tout lopet. Anywhere mi go ok a just chue yo. En platine mi kou fa mal evin amigo. Ou ja konen general ko. Mi ba ne ba kou bin nou ka vini pete zi yo. Dem no bad like me, general kom a lame. General de lame. Dem no bad like me, mem si il sont armé. J'tue les samboy toute l'année. Dem no bad like me, général à l'armée. Général comme à l'armée. Dem no bad like me, même s'ils sont armés. J'tue les samboy toute l'année. Kikouzen Wake tala, denye fwa voyi te ka pati. Kaskete linet, kom da banche yon ba yon bel tap de yon tet betman. I te chaka bou an kres, fime an jwen. E I te vite set selman. Man, sonje ke ou promet maman. Man, de pa fey vwe lante ou man. Yon ti ti fwe pou kwa se a ou rouj. I di mwen se wid la, se wid la. Pourquoi on va partir avec des cartouches? Il dit moi c'est street life, c'est street life. Fendi dit frère pourquoi on va prendre poudre? Il dit moi pour speed là, pour speed là. Et il fin parti moi qu'il y a rien à foutre. Fizzy IC, VI, c'est VI. Man, on va pour speed là, pour speed là. Man, man, street life, c'est street life. Man, man, songez qu'à vous promettre maman. Pi tout kon satisfè. Ou pa jen satisfè. A 13 ans, on te chani disfè. On te kap folé a kaz a mounè yo diskè. Si fè on kon fou ka fan son jè ti fred. Ensemble les on kan balan ralenti red. A 8 et 16 yo vin chèche ou pati fred. Et donc fè on bon moto fabri pa diskret. Ou chanje. Allez on ve pale, mwen de pale de contact direct. Danger, c'est tous les jours par panier, y'a rien qui reste pour pas changer. Ou ben moi voilà, ou t'es souvent pour la disait. Là on t'a dit ou ranger, ou pas dit moi songer à la avant t'es qu'à bref direct. Mais tu fais un problème qu'à surgir. C'est tout pour la mort, pas ni mot. Y'a que tu es ou question survie. Si qu'on ouvre ton animaux, eh non. Oui, faut pas observer sous vif, voilà, on veut ignorer. Mais non, oui, yo peut que les laisse ou tranquille, j'ai 4 ans ou mort. Et dit si frère, pourquoi c'est au rouge? Il dit moi c'est weed là, c'est weed là. Pourquoi on va partir avec des cartouches? Il dit moi c'est street life, c'est street life. Et dit si frère, pourquoi on va prendre poudre? Il dit moi pour speed là, pour speed là. Et il finit pas dire moi qu'il y a rien à foutre. Fizzy ice, VI, c'est VI. Pour speed là, pour speed là, man, man. Street life, c'est street life, man, man. Songez qu'à vous promettre, maman, man. N'est pas fait pour l'enterrement. Si on est général, pourquoi ou pour gang ou mais maman ou pas pleuré, inimal, et pégéré mal. Yo trouvé yo et canon à bloc out dans les amygdales, même dégénéral. Pavot ou sur ou mon sont toujours présents, les nibales, ça dégénéré mal. À midi ou t'es fait tirer si pas na ou pas si fait cinéma. Et ou prend moto à Zamia ou braque et joudi, père crié famille ou à 3h ou 10 ou kaye vrai ti fia ou. Mais vous et moi savent que c'était menti ou. Ou taille en pas connaître baba ou. Fais l'an y qu'on le défait baba ou. A part vous pour moun pas savla ou teye yo ou vrai ou sou pas te reconnaître maman ou et papa ou. Et soirée la change radicalement. Te bougon ou moi vin check moi pas. À l'instant, Kérosène et son nouveau single promettent maman où certains s'arrêtent à l'autotune, d'autres vont voir les talents de storytelling de l'artiste Kérosène et on va changer totalement d'émotion pour le dernier morceau de notre sélection de nouveautés du mois. Restez avec nous, l'émission c'est jusqu'à 17h, mais après on va vous parler encore d'autres choses, on va découvrir des artistes. On va terminer en introduisant un EP aussi très important qui est sorti également il y a 2 jours. Là on part plutôt dans la soul caribéenne, dans le jazz caribéen, dans le zouk, dans tout ce que vous voulez, beaucoup de choses à trouver en simplement 5 titres. C'est le nouvel EP de Mimi Nelzi, Deeply Rooted. On va certainement l'interviewer pour l'émission du mois prochain. Le morceau qu'on va écouter tout de suite, histoire de découvrir. Et je vous invite à aller chercher déjà, histoire d'être à jour le mois prochain quand vous l'entendrez en interview, le morceau No One Needs to See You Cry. Trust yourself. How can you believe in me? Seeking some unjustified affection. I can't receive this love with dignity. This mist is flooding ahead. Oh, our heart is full of negativity. Where can we find some peace of mind? Shining and inspired, just a lie, just a lie. Yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh. brother on the street. Yeah. I can feel the same in your eyes. In your eyes. But you do the same. I see smile looking up to the sky. Oh. But you know that no one needs to see you cry. Yeah. But when we pass each other on the street. On the street. Rete Dubout, trouver beauté tout partout. C'est ce qu'elle nous dit. No one's need to see you cry. Mimi Nelzi, un petit aperçu de son EP Deeply Rooted. J'espère que vous avez noté toutes les références. Beaucoup de morceaux d'artistes, de styles musicaux à découvrir dans cette sélection du mois de mai. Et ce n'était que la première partie de l'émission. On va maintenant se plonger dans deux projets, deux mixtapes d'artistes hip-hop créole qui nous apportent encore du neuf. On les a déjà reçus dans Conan and B, mais nos artistes sont productifs. Donc on va venir retourner les voir. On va vous présenter aujourd'hui deux artistes. On commence par Jean-Luc Poya, anciennement et même toujours appelé Malkema. Jean-Luc Poya qui vient de sortir à l'instant la mixtape Rage, et on vous fait découvrir un tout petit bout et on le retrouve juste après pour nos questions. Écoute. Ils disent tous que c'est de l'ignorance, moi je pense que c'est la peur. J'aurais jamais dû taire mon arrogance, je suis le père de tous leurs trappeurs préférés, narrateur invétéré, debout parleur, veut m'enterrer vivant en espérant que je meurs. À petit feu, la fureur m'a pas quitté, ton erreur c'est de l'avoir cru. Plus de faveur envers les focus, je reste focus et je clique comme Uzi, easy, à l'aise je les nique tous. Eux et leur clic, clic, clic, boum. Jean-Luc Poya, ton nouveau projet s'appelle Rage. Déjà, pourquoi ce titre Rage? Si je prends quelques extraits, quelques lyrics, je suis le père de tous leurs trappeurs, je suis le meilleur rappeur de mon école, Facebook est mon seul média. Avec ce nom de mixtape, n'as-tu pas peur de passer pour un rappeur hater? La mixtape, j'ai l'appelé Rage, tout simplement, comme son nom l'indique, la rage, c'est lié un peu à mes frustrations professionnelles et artistiques. Rage, je dirais que c'est un peu mon côté obscur, d'où le visuel de la mixtape avec Dark Vador, tout ça. Donc effectivement, en écoutant certaines punchlines, on peut être un peu surpris par certains de mes propos. Mais bon, je ne pense pas que les rappeurs, les trappeurs entre guillemets, voient choquer plus que ça. Parce que bon, de toute façon, on le fait tous, quoi. C'est dans le rap ego trip... C'est un peu ça en fait. Je suis juste un peu revenu à un truc où on n'a pas l'habitude de m'entendre dans ce registre-là. Mais à mes débuts dans le rap, j'ai commencé par là. Et c'est quelque part Rage, la mixtape Rage, j'ai voulu me prouver à moi-même que j'étais encore dans le game, que j'étais encore capable de faire de pouvoir faire encore certaines choses techniques. Rage, si tu veux, c'est de la performance lyrique et technique, quoi. Donc forcément, il y aura des punchlines qui vont être chocs, mais je n'attaque personne en particulier, je ne vise personne en particulier. C'est juste de l'ego trip, quoi. Je suis comme un boxeur sur un ring, en fait. Donc en dehors, je reste toujours la même personne. C'est vrai que je suis plutôt de nature assez humble, mais je sais aussi montrer une forme d'arrogance, même si au fond, enfin ceux qui me connaissent savent très bien que je ne suis pas comme ça, quoi. Donc c'est un concept, d'où le concept de Dark Vador, le côté obscur, voilà. Ce n'est pas vrai. Yeah. C'est impossible. Yeah. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Yeah. C'est toujours même bite là, l'un qui a coûté trapayo. C'est toujours même rêve que là, mais en calé, c'est yo, en cacayo. En loca jouer les Superman, mon caraché cabayo. Mais c'est PG à admettre, qui en sait papa yo? Qui en sait papa yo? Papa yo? Qui en sait papa yo? Qui en sait papa yo? Haïtien, on sait papa yo. Papa yo. On sait papa yo. Papa yo. On pas changé, Google Rumble, mais c'est une glace, fou arrogant. Parce que game là, son fucking yang jungle, et pour des négros haters, pas qu'à mettre gants. Tête à moi, café, moi mal. Bon mot, référal grand. C'est mes c'est car fait tellement mal. Affiché you en grand. Ou qu'à somme ça, ou outré, ou choqué, ou pas savanté, ni mauvais langue. Le hip-hop créole original des années 90-2000 a été remplacé aujourd'hui par la trappe locale en termes d'exposition et de plébiscite du public. Tu critiques beaucoup cette scène, notamment sur le morceau Papayo, tout en proposant un projet axé trap, là où les old-timers sont souvent dans un retour au boom-bap un peu passéiste. Est-ce que c'est par défi ou un réel attrait pour cette couleur de rap ? Est-ce que la trappe était le meilleur média pour lâcher ta rage ? Quels sont les autres sujets qui t'enragent également sur le projet ? Moi, perso, j'aime bien la trappe en plus de manière générale. J'aime bien comment les beats sonnent, j'aime bien les flows, même si parfois c'est très répétitif, d'où le morceau Papayo. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne vise personne en particulier parce que bon, moi, pour que je puisse bosser sur un type de musique, c'est qu'a priori, j'en ai écouté quoi. Je peux pas poser sur des trucs sans si les trucs si j'aime pas, donc forcément c'est que j'en écoute, donc je m'adresse pas à des aux icônes du trap particulièrement, parce que sans dire des noms, il y a des trappeurs que j'aime bien, mais après il y a beaucoup de clones, beaucoup de trucs répétitifs qui ont aucune créativité quoi. Donc dans Papayo c'est un peu de ça que je parle. Dans le refrain en tout cas. Mais sinon dans le couplet, bon, c'est de l'ego trip. Hein, il était logique pour moi de kicker sur ce support. Parce que si j'étais resté en mode Malkema normal, j'aurais peut-être kické sur du boom bap classique, tu vois. Les choses qui m'enragent vraiment, c'est, je crois que c'est l'indifférence en fait. Ou les propos de certains qui me disent que j'ai fait mon temps, ou ça y est, c'est fini, il est plus à la mode. C'est le genre de truc qui entre guillemets, me fout la rage. Et aussi l'hypocrisie et la méchanceté des gens, ça me fout la rage vraiment. Ouh, voilà. Yeah. Yo. Yeah. Yo, voilà. Depuis tout le monde y a accès à internet. En cabonien qui butait qui panette. Délai en temps vie être sur d'autres planètes. Qui voit des petits c'est pour plus nos paquettes. Qui voit des petits fouettes étayés pour la vette. Maman aussi, c'était on ravette. C'est aussi, babou bon disquette. Fais ses vies ma coupe pour payer yon casquette. Femme même qui bougue mes chambettes. Elle fait ni ça qui veut des boucs ni tête. Ni ça qui peut pas arrêter sans faire la fête. Mais est-ce qu'elle savait, dit qu'elle est bête. Donc elle dit son nec fragile mais qu'elle connaît. Sur les chats et Michel ont trouvé la femme parfaite. Qui crime, yo ka commettre. Kowai c'était à part on ma ou l'honnête. Des femmes qui coquettes, femmes qui conquêtent. Je suis pas femme trop peu, on va qu'être à conquête. Ou car j'y conchien, yo pas bail conquête. Ou car fustigé, mais est-ce qu'elle est honnête. Tout le monde est drôle, deuxième chance. Qui m'ont nouillé pour juger. Essayez, bab, fia au sens. Inutile, humilié. Pour mon papa au fait. Pour mon papa au fait. Pour mon papa au fait. Pour mon papa au fait. Pour mon papa au fait. Pour mon papa au fait. Pour mon papa au fait. Tu as sorti il y a peu une mixtape, The Lost Tracks, sur ta page Bandcamp, plusieurs singles, un EP pour le titre La Pia, des sons qui annoncent ta mixtape, peut-être Parabole 2, parce que tu en avais déjà fait une première, plusieurs beat tapes, tout en annonçant un album, Philosophie Créole. Tu parles beaucoup des réseaux sociaux sur Rage. Parle-nous de ta créativité, de la possibilité de partager ta musique aujourd'hui par rapport à tes débuts et de la difficulté aussi de faire exister ta musique. Pareil pour les réseaux sociaux, si j'en parle, c'est parce que j'y suis en fait, j'y suis dedans. Donc forcément, le moment où je parle de Facebook comme mon seul média, ben c'est la vérité. Je ne suis plus exposé médiatiquement depuis... Après l'époque Babi, j'ai limite été écarté de la scène locale. Donc on m'invite nulle part. Le seul média que j'ai trouvé, le seul endroit où je puisse diffuser mes musiques, c'est sur Facebook et sur les pages internet comme Bandcamp et SoundCloud. Donc ce sont les seuls trucs sur lesquels je balance ma musique. Je n'ai pas de producteur, j'ai pas de manager. Congo Beats, c'est moi qui gère tout en fait. Que ce soit au niveau de l'image, de la communication, c'est moi qui gère tout. Donc c'est pour ça que ça peut paraître un peu freestyle. Parce que c'est vrai que j'ai déjà annoncé plusieurs fois la sortie de mon album Philosophie Créole, qui d'ailleurs n'aura peut-être pas, ce sera peut-être plus Philosophie Créole, sera peut-être un autre nom. Il y aura encore des morceaux de ces projets-là, mais Philosophie Créole, c'est un projet que je travaille depuis plus de 5 ans. Mais pour des raisons autres, j'ai été obligé de retaffer les prods, le projet, les musiques. Et vu que je suis quelqu'un de très perfectionniste, donc je retravaille le truc à chaque fois. Donc entre-temps, en attendant que l'album en question sorte, je propose d'autres projets alternatifs, mes projets de beats, mais certains morceaux et d'autres morceaux. Artistiquement, je suis hyper actif, je sors toujours des trucs, je peux pas rester sans proposer des choses, attendre, j'ai du mal. Péqué j'ai blanchi, ça c'est on point péqué j'ai franchi. Ni nègre de maison, ni nègre affranchi. Société la café nous franchit, mais franchi. On pleuve qu'à empêcher nous réfléchir. Devant programme aillons nous tout abachi. Malgré tout critique, aillons pas j'infléchis. Jean-Luc Poya, Malkema. On remercie Jean-Luc Poya de nous avoir donné un peu de son temps pour présenter son projet Rage. Je vous invite à aller sur sa page Bandcamp. Il vous l'a dit lui-même, c'est là qu'il distribue sa musique. La mixtape s'appelle Rage. Vous y trouvez beaucoup de trap, mais aussi de rap et de lyrics créoles de grande qualité. Malkema, un artiste original qui est là depuis longtemps et qui reste toujours très créatif. Il nous prépare d'ailleurs en ce moment une beat tape puisqu'il est également beatmaker sous Congo Beat Prod. On va changer de style, on va écouter autre chose sans aller si loin que ça pourtant. L'artiste s'appelle Fola, on a aussi eu la chance de le recevoir dans nos locaux. C'était à l'occasion de son EP à visage découvert et également pour un de ses livres, puisqu'il est également auteur, il a beaucoup de casquettes. On les a présentées, mais là on va se concentrer sur la partie rappeur, puisqu'il nous revient dans un esprit mixtape, une mixtape assez longue avec beaucoup de choses à découvrir dessus. On vous fait déjà entendre un tout petit bout de ce que c'est Fola. Respect. Le projet s'appelle respect. Respect. On le cherche partout, on en a besoin. F-O-L-A. On le cherche partout. Les petits sont fascinés par les grands qui l'ont déjà. Quand tu l'as, tu veux pas le perdre. Si tu ne l'as pas pour toi-même, c'est sûr que tu vas te perdre. T'as compris de qui je parle? R-E-S-P-E-C-T. On le cherche partout. Les petits sont fascinés par les grands qui l'ont déjà. Quand tu l'as, tu veux pas le perdre. Si tu ne l'as pas pour toi-même, c'est sûr que tu vas te perdre. T'as compris de qui je parle? R-E-S-P-E-C-T. Yo, j'rappe pour tous les mineurs incarcérés. Fola, tu t'es fait connaître comme rappeur chrétien. On a l'impression que plus tu t'engages sur le terrain, plus ton rap s'applique à coller à une certaine réalité, parfois même crue, comme la tentation de la violence sur ton titre « Maman pas lévé gangsta » ou le sexe sur ton titre « Let's talk about sex ». Sur ce titre, tu es même conscient de la difficulté d'aborder ce sujet avec des jeunes du seul point de vue de la foi. Comment t'est apparue la nécessité de rester dans le réel et comment gères-tu cet équilibre ? Yeah, salut à tous. C'est vrai, je me suis fait connaître à un moment donné en tant que rappeur chrétien, mais j'ai commencé bien avant. Il y en a qui m'ont découvert comme ça, mais j'ai commencé avec Red Zone et ça commence, c'est dans les années 90 où j'apparais sur l'album Eclipse Total avec BJ qui n'est pas encore Lyricson. et j'apparais là comme un rappeur qui rappe en anglais. Ensuite, je fais Reggaeton avec Queen Levy, là je rappe toujours en anglais. La transition arrive à un moment donné, je me mets à rapper en français et en créole, et je fais des mixtapes en Martinique. Je suis parti d'un groupe qui s'appelle Sixième Sens avec Audi, on fait des scènes, je fais des mixtapes, et l'envie de rapper dans mes langues vient parce que je deviens plus mature et j'ai envie que les gens me comprennent, je veux pas seulement qu'on flash sur mon style et ma capacité de rapper en anglais, mais j'ai envie de dire des choses et j'ai envie d'être compris. Donc voilà, ensuite à un moment donné vient ma transition vers le rap qui est imbibé de la foi chrétienne, parce qu'en 2002 je me convertis à la foi chrétienne et là ma vie prend un autre sens et je laisse la musique de côté pendant un an. J'y reviens à un moment donné et je me dis que je veux faire une musique qui n'est pas seulement purement spirituelle. Dès ce moment-là, dès 2004-2005, je forme le groupe Benaja avec Café et je lui dis, j'aimerais qu'on puisse faire une musique qui ne parle pas simplement de ce qui se passe dans le ciel et de réalité spirituelle. Je veux qu'on applique notre enseignement religieux à la réalité du pays. Et notre première mixtape d'ailleurs s'appelle Poupée Plat. Elle s'appelle Kileab et elle s'appelle Poupée Plat. En partant vraiment toujours de ce qui se passe dans nos vies, de ce qui se passe dans notre pays, mais le tout à la lumière de ce que les Écritures saintes vont dire. Et cette envie de me coller à la réalité, elle vient du fait que je suis constamment en contact avec mon peuple. Je bouge beaucoup, je parle avec beaucoup de gens, et je ne reste pas qu'à l'église, je reste pas que dans ma petite famille ou que dans mon cercle à moi. Je me frotte à cette réalité tous les jours par mon travail d'éducateur, et aussi par mes nombreux voyages et par mes nombreuses actions militantes, puisque je suis aussi un activiste, je suis un militant dans l'âme, quelqu'un qui met sa main dans le cambouis pour façonner les lendemains de son pays. Donc c'est de là que me vient cette nécessité-là impérieuse de rester en contact avec la réalité. Après, l'équilibre, je le gère. Déjà pour moi, l'ordre vient d'abord déjà à l'intérieur de moi. Je mets un point d'honneur à tous les jours prendre le temps de méditer, faire du sport, donner du temps, de l'amour à ma femme et mes filles. Voilà. Et puis ensuite vient mon cercle religieux, l'église, le travail. Toujours pour voir faire les choses bien et les relations significatives que j'ai autour de moi. Et ensuite, dans un autre temps, viennent les actions militantes, que ce soit des actions politiques ou des actions sociales. Donc en gardant cet équilibre-là, dans la manière dont je gère ma vie, ça me permet aussi de, lorsque je prends le stylo, lorsque je vais derrière le micro, de garder aussi le même équilibre. Après, je me dis que je veux faire une musique qui est authentique, qu'elle plaise ou pas à tout le monde, qu'elle plaise aux gens de mon église ou pas, qu'elle plaise aux gens dans le rap ou pas, qu'elle plaise aux gens dans le pays ou pas, mais je veux faire une musique qui reste fidèle à ce que je ressens au fond de moi, qui est en accord avec ma foi, et une musique courageuse. Une musique qui va dire des choses que je pense qui doivent être dites. Et à partir du moment où je suis toujours en axe avec moi-même, avec Dieu, eh bien je vais aller vers des propos authentiques et des propos courageux, des propos aussi sincères et qui n'hésitent pas aussi à montrer ma vulnérabilité, mais les réflexions que je me pose. Et je crois que ce genre de musique touche le cœur et appelle à la réflexion, qu'on le veuille ou pas, quoi. J'ai souvent été très intéressé aussi par la vie de couple, je le suis toujours, et par la sexualité, la manière dont on y vient, son rôle dans nos vies, ce qu'elle nous apporte, ce qu'elle nous vole, ce qu'elle nous enlève. Et j'ai souvent été amené à parler avec des jeunes, je le fais toujours, dans mon église et ailleurs, parler de sexualité. Mon père le faisait beaucoup avec moi et j'ai pris ça de lui. Je suis convaincu que c'est en parlant de ces questions difficiles, intimes, c'est en parlant, c'est en les dédramatisant qu'on va réussir à aller vers le haut et à inspirer notre jeunesse. Et je crois qu'il faut en parler, non pas de manière dogmatique, il faut en parler de manière réelle, à la lumière de ce qu'on a vécu. Et après, ce sont des graines qu'on sème, hein. Les gens, les jeunes, ils prennent ce qu'ils veulent dedans. Pour pouvoir eux-mêmes bâtir leur propre choix, quoi, leur propre vie. Mais mon travail, moi, en tant qu'artiste et en tant qu'éducateur, c'est de semer des graines. visage découvert. Parlons-en en famille, parlons-en ensemble. Parlons-en maintenant, à visage découvert. Parlons-en en famille, parlons-en ensemble. Parlons-en maintenant, à visage découvert. Parlons-en en famille, parlons-en ensemble. Ce ne sont que 3 ou 4 morceaux trap sur l'ensemble de la mixtape, mais c'est ce qui interpelle le plus. Tu anticipes même la surprise des auditeurs, Fola Café Trap. Pourquoi ce choix ? Comment toucher un public qui associe aujourd'hui principalement le trap à des stéréotypes négatifs et en même temps n'écoute pas d'autres styles de rap ? Pour les morceaux trap que j'ai fait sur la tape, je m'étais toujours interdit de faire du trap, de la trap music pour pouvoir suivre la mode. Je me suis toujours fait violence pour ne pas faire ça. Ça serait moi, ça serait trahir mes idéaux, trahir ma conception de la musique. Par contre, j'ai observé le phénomène. Étant donné que je suis en contact régulier avec plein de jeunes dans les établissements scolaires, je les vois tout le temps, je vais tout le temps vers eux, je vois l'impact que la musique a. Je vois comment est-ce que le trap façonne les comportements. Et ça, ça m'a toujours interpellé. Et j'ai reçu des beats trap de RK, un beatmaker guadeloupéen. Et lorsque je les ai écoutés, il y en a qui m'ont plu. La première expérience trap a commencé parce que je devais répondre à une invitation des frères de Bemao qui m'ont invité pour une compile. Et la compile de Bemao, j'ai posé mon premier morceau trap dessus. Et je me suis dit que je voulais parler aux gens qui écoutent les frères qui font de la musique à Bemao. Et pour leur parler, pour arriver dans leurs oreilles, il fallait que, musicalement, que je puisse leur plaire, ou que je puisse retenir leur attention. Et donc, mon premier morceau trap s'appelle « Pourquoi ?». Et c'est un morceau qui parle de pourquoi est-ce qu'on on perd des gens qu'on aime. Pourquoi est-ce que les gens qu'on aime, parfois, ils partent tôt comme ça. Et pourquoi est-ce que leur mort nous traumatise. Et je disais dans ce morceau-là que je crois que parfois on perd des gens. Il y a des gens autour de nous qui meurent de morts violentes ou autres. C'est parfois pour nous pousser à réfléchir sur notre propre vie, rentrer en nous-mêmes. Et donc mon affiliation avec le trap a commencé là. Parce que je voulais parler à un public particulier. Et là j'avais une bonne raison. C'était pas, je ne voulais pas me vendre, je ne voulais pas plaire. Non, je voulais faire passer un message à des gens particuliers. Ensuite j'ai reçu la beat tape d'RK. Et là, il y a des beat trap qui m'ont plu. Il y a des morceaux que j'avais déjà écrits, que je me suis dit que je pouvais placer dessus, toujours dans une même ambition, aller vers un public qui ne m'aurait pas écouté, avec des morceaux classiques que moi j'aime. Et moi, mon rôle, mon but en tant qu'artiste, c'est d'être écouté par un maximum de gens, par un maximum de gens. Et une fois que je suis capable de justifier mes choix, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Et oui, j'ai anticipé la réaction des gens. Ils allaient... Parce que pour eux, être un artiste conscient, être un artiste religieux, ça va pas sur du trap, etc. Non, je pense que c'est des préjugés, des a priori que nous avons. Dès qu'on est capable de justifier nos actions, je dis qu'on peut y aller. Après, un artiste, c'est quelqu'un qui doit faire bouger les lignes. Et je sais que moi, les scènes que je vais faire, eh bien, je vais pouvoir sortir ces morceaux-là. Lorsque je vais aller dans des endroits particuliers, j'ai ces morceaux-là. Lorsque je rappe devant des lycéens ou des collégiens, et que je sens ces morceaux-là, ils m'écoutent. Je peux sortir des morceaux classiques aussi, ils m'écoutent. Mais je crois que c'est vraiment un plus pour moi aujourd'hui, en 2016, d'avoir ça dans ma poche. Après, c'est une manière aussi de montrer que les stéréotypes négatifs attachés à la trap music bien, ne résistent pas. Si on a du contenu, on a de la forme, et j'ai pas rappé comme des trappeurs dessus. J'ai rappé comme un rappeur, quoi. J'ai rappé comme un type qui, non seulement a des lyrics, comme un type qui a une vision de sa communauté, et comme un type aussi qui a du flow et qui sait tordre un beat, quoi. Et c'est ce que je voulais aussi amener pour imposer mon style et imposer mon entrée dans le trap, quoi. Alors, parce qu'on m'a entré la jolle, il fait la jolle, la société dit qu'on ne s'aille pas à mon encore. Un bon beat, chaque monde mérite une autre chance. Le morceau emblématique du projet pour moi, c'est « En coup de la geôle », un coup de prison. On connaît le point de vue des rappeurs passés par la case prison. On sait que tu as rencontré et travaillé avec des prisonniers. Parle-nous de cette expérience et la place du respect dans vos rapports, dans leur vie, et plus largement, pourquoi ce titre de mixtape « Respect ». Le morceau « En coup de la geôle », il naît de mon expérience effectivement avec les détenus. Ça fait longtemps que je voulais travailler avec les détenus puisque je suis, tu sais, mon éducation politique, mon éducation sociopolitique, elle est faite aux États-Unis, elle est faite par des activistes, des militants noirs américains, des militants sud-américains aussi. Et il y a des philosophes que j'aime beaucoup, des philosophes noirs, des activistes noirs américains. Il y a des militants aussi guadeloupéens qui m'ont formé. Et ces militants-là, ils ont toujours manifesté l'importance pour nous qui avons des ressources de nous tourner vers ceux qui ont un peu moins de ressources pour faire face aux défis de la vie. Et le Seigneur Jésus dit ça aussi, que tout commence par le plus petit de mes frères. Si je veux que mon pays soit stable, si je veux que mon pays puisse être plus fort, il faut absolument que je jette un œil sur le sort des plus vulnérables. Bon, ça peut faire tiquer qu'on va parler des détenus comme étant des gens vulnérables. Peut-être pas tous, on est d'accord. Mais je crois qu'ils sont à un stade de leur vie où toutes les ressources qu'on peut leur apporter pour retrouver de l'équilibre moral, psychologique, toutes ces ressources-là sont bonnes. Donc, ça va faire quelques années maintenant que je travaille régulièrement avec les détenus mineurs ou majeurs. J'y vais à la prison pour pouvoir faire des concerts. Je vais aussi pour donner des cours au quartier des mineurs. D'ailleurs, j'y vais cet après-midi. Et je suis de plus en plus convaincu qu'il faut tout faire pour préparer les détenus à la sortie de prison. Et parfois, lorsqu'on sort de prison, on a des stigmates attachés à sa vie, quoi. Ouais, monsieur Foncou de la Jolle, voilà, c'est attaché à ta vie. Et je voulais dire au moins deux choses dans cette chanson. Dire que c'est pas parce qu'on est passé par la prison que notre vie n'est plus valable et qu'on ne peut plus retrouver un équilibre et redevenir un citoyen actif, un citoyen équilibré. Et je voulais aussi dire à ceux qui sont passés par la prison qu'il leur faut tout faire pour pouvoir, eux, retrouver un équilibre et reprendre une vie normale. Et je crois que ce message-là, je ne l'entendais pas. J'entendais que la glorification ou que les stigmates. Et la personne qui peut arriver avec un message comme ça, c'est quelqu'un qui rentre dans le ventre de la bête. Et c'est quelqu'un qui réfléchit déjà sur ça. Donc j'ai pris le risque de faire ce morceau-là parce que c'est un morceau qui sort de mes convictions et qui sort aussi de mon activité, de mon engagement militant. Les détenus que je croise aspirent à avoir du respect. Toutes détenues, c'est nombre contre tout nombre. Et donc, moi, j'arrive avec ça. Je n'arrive pas non plus en tant que sauveur, pas du tout. Je ne me dis pas qu'heureusement que je suis là, non. Mais j'ai souvent eu, quand je suis arrivé avec le respect, j'ai souvent eu du respect en retour. C'est arrivé aussi que je n'en ai pas. Ça arrive. Les gens sont différents. Ils sont dans un moment qui peut être particulier, qu'on n'imagine pas toujours, la pression de l'incarcération. Mais en tout cas, en général, ce respect-là, comme je viens avec, à une puissance vraiment 10, en général, ça se passe bien, nos rapports vont bien. Quand ça va au clash, j'arrête la séance ou j'appelle le surveillant et on passe à autre chose. En tout cas, la mixtape, je l'ai appelée respect parce que je crois que c'est une valeur fondamentale qu'il nous faut cultiver, qui a tendance à se perdre et qu'il nous faut cultiver. Donc j'ai basé tous les morceaux autour de cette notion-là. Je crois que si elle est là, dans nos familles, dans nos travails, dans l'espace public, dans les prisons, si ce respect-là est là, les choses vont aller mieux. Et puis dans la communauté hip-hop, moi j'ai grandi dans le mouvement hip-hop où le respect c'était une valeur fondamentale. Tu veux ton respect, tu te le procures et sur le micro, tu vas le chercher ce respect-là. Et bien sûr, on te le donne pas comme ça, c'est pas un passe quoi. Il se mérite. Donc voilà un peu en tout cas. Merci beaucoup parce que tes questions sont profondes et c'est la première fois qu'on me les pose sur ce projet. Et j'avais envie vraiment d'y répondre. Donc, tu m'as plein fausse barre. Et merci pour le travail, le quoi faire là. R-E-S-P-E-C-T pour toi, mon frère. Respect. Yeah, salut. Obligé cool up, t'es qu'à depuis loin. Délai, moi, en vibrant ça. Même maman parle de gangsta. Faut moi qui fait sens ça. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Délai, moi, en vibrant ça. Même maman parle de gangsta. Faut moi qui fait sens ça. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Soirée là, t'es qu'à passer tranquille. On remercie Fola qui nous a répondu depuis la Martinique. On remercie Jean-Luc Poya qui nous a répondu depuis Lyon, il me semble. La mixtape de Jean-Luc Poya s'appelle Rage, la mixtape de Fola s'appelle Respect. Et les deux mixtapes sont à récupérer gratuitement sur le net. Donc allez chercher ça, il y a beaucoup de choses à entendre, à découvrir dessus. On vous remercie, c'était Musique Jeudi dans Code Lambi, premier dimanche de chaque mois. Exceptionnellement, c'était le deuxième. Mais là, on vous donne rendez-vous en juin, le premier dimanche du mois de juin, de 16h à 17h, pour encore découvrir d'autres nouveautés. C'était EDS et je vous dis au mois prochain. Mais maman parle de gangsta, pour moi qui fait sens ça, est-ce que vous pouvez comprendre ça?